طيب، on va commencer. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui maintenant le cours 15 dans l'explication du livre qui est un commentaire du livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin du Cheikh al-Fawzan. Et le livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin, c'est un charh de Kitab al-Tawhid écrit par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, on était en train d'expliquer, on est toujours dans le premier chapitre de Kitab al-Tawhid, et on expliquait les versets dans Surat Al-An'am, si je ne me trompe pas, le verset 151 à 153. Et ensuite, donc on a expliqué ça, puis on expliquait après le hadith de Mu'az ibn Jabal. Puis ensuite le cheikh dit فساق المصنف هنا فساق المصنف رحمه الله هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت. Donc il dit, le cheikh, il a mentionné ici ce verset là à cause de la signification de ces versets qui est impliqué dans ce qu'on a dit précédemment. Le cheikh, il explique ensuite, il dit en note de bas de page, cheikh al-Fawzan, il dit لأن الآيات التي تقدمت فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وهذا الحديث فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. Donc c'est ça. L'auteur du livre, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné le verset dans Surat Al-An'am, dans lequel il y a l'ordre du tawhid, d'adorer Allah seul et de ne pas faire le shirk. Puis ensuite, il a cité le hadith de Mu'az ibn Jabal, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Et quand il a mentionné le droit des serviteurs, le droit d'Allah sur ses serviteurs, il a dit qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. Ça, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et donc, il y a un lien direct entre ce hadith et la signification du verset qui ordonne d'adorer Allah seul et qui interdit d'associer quoi que ce soit avec lui et de faire le shirk. Donc, c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité ce hadith-là après avoir mentionné le verset. Ensuite, il dit وَذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ الْعَلَّامَةُ بْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَقُّ الْإِلَهِ عِبَادَةٌ بِالْأَمْرِ لَا بِهَوَى النُّفُوسِ فَذَاكَ لِلشَّيْطَانِ مِنْ غَيْرِ إِشْرَاكٍ بِهِ شَيْئًا وَهُمَا سبب النجاة فحبذا السببان لم ينجو عن غضب الإله وناره إلا الذي قامت به أصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. Donc le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit de même, donc, et ceci est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. Puis la parole de, il cite ensuite la parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, l'élève de Ibn Taymiyyah, dans son poème qui s'appelle Al-Kashifat al-Shafiyah, c'est-à-dire le poème qu'il a écrit pour défendre la aqida de Ahl al-Sunnah et pour réfuter les gens de l'égarement, hein, les innovateurs et les gens qui nient les attributs d'Allah. Et donc dans ce poème-là, le cheikh, il a cité 4 vers, hein, parmi les vers de ce poème. Il dit que le droit d'Allah, c'est qu'il soit adoré, hein, par l'ordre, hein, par l'ordre, c'est-à-dire l'ordre qui est venu dans la révélation, non pas par les passions de l'âme, parce que cela vient du shaytan, parce que ça vient du diable, sans qu'il y ait aucune forme de shirk avec Allah qui soit présente dans cette adoration-là. Donc ces deux choses-là, ça fait en sorte que la personne va avoir le salut, et c'est les deux causes du salut, c'est-à-dire d'adorer Allah selon l'ordre de la révélation, l'ordre d'Allah, sans qu'il y ait dedans du shirk. Ça, c'est les deux causes qui amènent quelqu'un au salut. وَلَمْ يَنْجُو مِنْ غَضَبِ الْإِلَهِ وَنَارِهِ. Yani, tu ne vas pas être sauvé de la colère d'Allah, ni de son feu, ni de son enfer. إِلَّا الَّذِي قَامَتْ بِهِ أَصْلَانِ. Excepté, yani, إِلَّا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَصْلَانِ. Excepté celui qui a établi ces deux fondements-là. C'est-à-dire qu'il a adoré Allah selon la sunnah, et qui s'est écarté du shirk. Et il dit وَالنَّاسُ بَعْدُ فَمُشْرِكُنْ بِإِلَهِهِ أَوْذُ بْتِدَعْ. En fait, qu'est-ce qu'il explique ici? C'est les deux conditions pour que nos œuvres soient acceptées, soit de faire l'acte selon l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire selon sa sunna, c'est-à-dire de ne pas faire des innovations, ou bien que yani, ton action soit également exempte de shirk. Il n'y a pas de shirk dans ton action et dans ton adoration. Et donc, si tu n'as pas respecté ces deux conditions-là, donc tu vas être soit un mushrik ou un mubtadi', ou les deux ensemble. Ou un mushrik mubtadi'. Allah al-musta'an. Hein? Bien sûr, les chrétiens, c'est des mushrikines et des mubtadi'. Et parmi les gens qui se disent musulmans, ils adorent les tombes et ils font des bid'ah en même temps. Ça, c'est du shirk et c'est des bid'ah. Donc, c'est des mushrikines et des mubtadi'a en même temps. Allah al-musta'an. Il y en a qui sont que mouchriques, ils ne font pas de bid'a. C'est rare, mais. Déjà, on peut dire même que le shirk, c'est une bid'a aussi. Donc, c'est presque impossible que quelqu'un soit mouchrik et qu'il ne soit pas mubtadi en même temps. Hein? Allahu a'lam. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire par rapport à ce passage-là. Il dit. Naam. فهذه أبيات عظيمة تتضمن علما غزيرا من علم العقيدة والتوحيد. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. شيخ الفوزان il explique le verset ici. Et en passant, شيخ الفوزان il a un شرح de ce poème là de Nounia en trois volumes, c'est publié. Ouais. Donc, en trois volumes de ce livre de An-Nuniyya, le poème qu'on appelle Al-Kashifat al-Shafiyya. Donc, il dit ici, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, Haqqul ilah, le droit de Haqqul ilahi ibadatun, an ya'buduhu, wa huwa ma'khuzun min qawlihi, sallallahu alayhi wa sallam, fi hadithi Mu'adh, Haqqullahi ala al-ibad, an ya'buduhu, bil amri, ay bil shar'i. يعني بالشرع لأن العبادة توقيفية فلا يعبد الله إلا بما شرع ولا تصح العبادة إلا بما شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لا بهوى النفوس يعني لا يجوز لأحد أن يعبد الله بهوى نفسه أو استحساناته أو بعادات آبائه وأجداده فذاك للشيطان أي أن الذي يعبد الله بما تهواه نفسه فهذا لا يعبد الله وإنما يعبد الشيطان فالعبادة لا تصح إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ça, dit que le droit d'Allah, hein, c'est qu'il soit adoré, c'est de qu'on l'adore. C'est ça son droit. Et ça, c'est tiré du hadith de Mu'az. Hein? C'est tiré du hadith de Mu'az qui dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore. Bil amri, avec le commandement ou l'ordre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ordre de la charia. Parce que l'adoration est une chose qui est tawqifiyya, c'est-à-dire l'adoration, elle doit être limitée, hein, et doit s'arrêter à ce qui a été légiféré par Allah. Donc tu ne peux adorer Allah que parce qu'il a légiféré lui-même. Hein? Et il dit que l'adoration, si elle n'est pas faite selon ce que Allah a révélé et selon ce que le messager a ramené, alors elle ne sera pas valide, cette adoration-là. Donc quand l'imam Ibn al-Qayyim il dit ensuite la bihawan nafs ou la bihawan nufus, c'est-à-dire ça ne doit pas être basé sur les passions de l'âme. Tu ne peux pas adorer Allah en te basant sur tes passions ou sur tes désirs, hein? Comme par exemple certains parmi les gens de bid'ah, les gens de soufis, ils adorent Allah n'importe comment. Ils font toutes sortes de choses que si tu leur demandes c'est quoi la preuve, est-ce qu'il y a une preuve de ça dans le Coran et dans la Sunna, ils disent non, il n'y a pas de preuve, hein? Ils font juste adorer Allah comme ça. Et je me rappelle une fois j'ai été choqué de ça parce qu'il y a un frère du Mali qui il était un petit peu dans l'égarement, hein? Il négligeait un peu la religion, puis finalement il a eu des problèmes ou des situations difficiles dans sa vie. Puis il a cherché une solution à ses problèmes. Il est rentré avec les soufis. Il est rentré dans une tariqa soufia. Puis Allahul Musta'an, yani, il s'est égaré complètement. Hein? Ici. Déjà au Mali, ses parents l'avaient mis dans une école chrétienne catholique. Donc il a grandi là-bas au Mali dans des écoles catholiques. Oui, et vous savez que les chrétiens dans les pays musulmans, quand ils enseignent les enfants musulmans, ils les confondent et ils leur apprennent toutes sortes d'égarements dans la croyance. Ils ne vont pas leur enseigner la vraie croyance islamique. Donc il vient avec toutes sortes de notions contraires à l'islam dans sa tête. Et il est éduqué par des koufars chrétiens, donc déjà il y a un problème dans sa aqida. Donc il vient ici, il grandit, toutes sortes de problèmes. Hein. Après il cherche un chemin, il veut revenir à la religion, il rencontre des soufis avec Kiani, il danse, il chante, ils font toutes sortes de bid'ah dans leur mosquée. Donc lui il rentre avec eux. Un jour j'étais à la mosquée au centre-ville, je donnais un cours sur Al-Usul al-Thalatha, puis lui il était présent et j'expliquais les deux conditions pour l'adoration, pour qu'elle soit acceptée. Et quand j'ai mentionné que pour que l'adoration soit acceptée, il faut qu'elle soit faite selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il n'était pas content, il n'était pas d'accord avec ça. Il a dit mais pourquoi il faut que l'adoration soit en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même quand j'ai entendu sa question, j'avais du mal même à concevoir comment quelqu'un pourrait même remettre ça en question ou même douter de ça. Oui, j'étais choqué de sa question. Et donc j'ai dit mais comment tu veux adorer Allah si tu ne veux pas l'adorer selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que en fait pour lui c'était comme non, tu peux adorer Allah comme tu veux, de la façon que tu le ressens. C'est ça l'important pour eux. Beaucoup de soufis, c'est comme ça. C'est comme si c'est pas l'important de respecter les textes, de respecter le Coran et la Sunna pour adorer Allah. L'important, c'est qu'est-ce que tu ressens en faisant ce que tu fais. Et si qu'est-ce que tu fais, ça te procure une sensation plaisante ou que ça te fait sentir bien en toi-même, alors pour eux, c'est ça qui est important. Peu importe que la chose soit en accord avec le Coran ou avec la Sunna ou non. Et les chrétiens, c'est comme ça aussi. Tu vois, par exemple, tu vas aller descendre en bas, là, tu vas voir les chrétiens quand ils font leurs adorations. Tu vois qu'ils sont en train de chanter, ils sont en train de danser, hein. Et puis, alléluia, puis, hein. On voit qu'ils dansent, on sait pas si c'est une discothèque ou si c'est, hein, un endroit pour adorer Dieu. Donc, même que eux, ils ont justement fait ça adapté pour attirer les gens. Ils ont dit les gens, ils aiment la musique, ils aiment la danse, ils aiment l'entertainment, hein, le divertissement. Donc, on va leur faire les mêmes choses que eux, ils aiment, mais version religieuse. Donc, ils prennent toutes les chansons des vedettes actuelles là, qui sont connues dans la radio. Puis ils font les mêmes musiques, les mêmes chansons, mais ils changent les paroles et mettent Jesus dedans. Hein? Donc ils mettent le mot Jésus dedans, et ils le répètent une cinquantaine de fois, puis ça veut dire que ça devient une musique religieuse. Allah Musta'an. Donc, j'ai vu des exemples de ça, des choses vraiment ridicules. Puis tu dis, Allah Musta'an. Mais eux, ils pensent que ça, c'est correct de faire ça. Mais c'est ça, c'est ça l'égarement, en fait. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, hein, donc, l'adoration, c'est pas permis qu'elle soit faite en se basant sur les passions de l'âme, ni sur les choses que tu juges toi-même comme étant bonnes. Hein, comme les soufis, par exemple, ils ont essayé certains actes d'adoration. Comme le cheikh, il a inventé des formes. Il dit, ça, je l'ai testé, ça fonctionne, ça marche. Hein, j'ai inventé cette nouvelle adoration et ça fonctionne. Hein, donc, je vous prescris de la faire, vous aussi. Donc, tu vois que quand ils font leur dhikr, ils vont bouger d'une façon, ils bougent la tête, ou bien ils bougent leur corps d'une façon, ou bien ils vont même parfois avoir des respirations spéciales. Hein? Oui, il y a des formes de respiration qu'ils apprennent à leurs élèves, soi-disant c'est des respirations spéciales pour atteindre leur degré qu'ils veulent arriver, soi-disant à atteindre un niveau d'extase ou je sais pas quoi. Puis ils ont certaines façons de respirer pour arriver à leur but. Mais tout ça, ça vient des koufars. Des fois, ils vont par exemple lire les livres des hindous ou des bouddhistes. Et les hindous et les bouddhistes, ils ont toutes sortes de notions de shirk comme ça. Et donc, ils veulent les copier, comme ceux qui vont utiliser par exemple le yoga ou bien d'autres techniques comme ça, soi-disant des exercices spirituels. Puis ils disent, ouais, on a testé tel, et puis là ça fonctionne et tout. Oui, c'est du bricolage comme tu dis, mais ça c'est pas des adorations. Le cheikh il dit, ou bien des coutumes ou des traditions qui ont été transmises de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs ancêtres. Ils ont dit, nos ancêtres ils faisaient ça, donc nous on le fait. Il dit ça vient du shaytan. Ibn al-Qayyim il dit fadak al-shaytani. Ça veut dire ça vient du shaytan. Il dit, c'est-à-dire que celui qui adore Allah selon les passions de son âme, hein, il adore le shaytan en réalité. Il n'adore pas Allah, il adore le shaytan. Parce que l'adoration ne peut être valide que si elle respecte deux conditions. La première condition, c'est qu'elle soit faite avec ikhlas, c'est-à-dire qu'elle soit exempte de toute forme de shirk. Hein? Et deuxième condition, qu'elle soit en accord avec la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, « Min ghayri ishraqin bihi shay'an huma sababan najati fahabbadha sababani » من غير إشراك به شيئا هما يعني عبادة الله من غير إشراك هما السببان النجاة حبذا السببان. Oui. La première condition, c'est que ton adoration doit être faite avec ikhlas, sincérité, pureté d'intention pour Allah seul, exemple de toute forme de shirk. Oui, pureté et sincérité pour Allah seul, pureté d'intention et sincérité. Avec pureté d'intention pour Allah seul, exemple de toute forme de shirk. Et la deuxième condition, le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que cette adoration-là doit être en accord avec l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment il nous a montré l'adoration. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان ما يسلم من النار إلا الذي عبد الله مخلصا له الدين واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هذان الأصلان في العبادة لا تصح العبادة إلا بهما والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان الناس بعد هذا البيان فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان يعني ما عنده إخلاص يعني إما مشرك أو مبتدع يعني لا يعبد الله بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان عنده شرك لم يأخذ بالأصل الأول وهو الإخلاص ومن كان عنده بدعة لم يأخذ بالأصل الثاني وهو المتابعة فأهل الضلالة ثلاثة أقسام إما مشرك هذا رأس البلاء وإما مبتدع في الدين وهذا بلاء خطير عظيم وعظيم وإما جامع بينهما أي بين الشرك والبدعة والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc c'est ça que le cheikh explique ensuite. Il dit ça, yani, donc s'il n'a pas respecté ces deux fondements-là, donc ces deux fondements qui sont les causes du salut, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de shirk et qu'il a adoré Allah selon la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est les deux causes pour être sauvé. Et s'il n'a pas fait ça, il ne sera pas sauvé de la colère et du châtiment de l'enfer, hein. Excepté s'il respecte les deux conditions qu'on a mentionnées, les deux fondements. Donc personne ne sera sauvé de l'enfer excepté celui qui a adoré Allah avec ikhlas et qui a suivi l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux choses-là sont les fondements de l'adoration. Et l'adoration ne sera valide qu'avec ces deux conditions-là. Et parmi les hommes, il y en a qui sont soit mushrik, parce qu'ils font du shirk avec Allah, ou bien qui sont des mubtadi'ah. Ou bien qui ont les deux ensemble. Donc il dit que les gens donc, sont soit mushrikoun ou mubtadi'a. Soit qu'ils n'ont pas de ikhlas, hein, donc c'est-à-dire qu'ils sont des mushrikin, ou bien ils sont des mubtadi'a. Ils n'adorent pas Allah selon ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Donc celui qui a du shirk, il n'a pas respecté le premier fondement, le premier principe, la première condition, c'est-à-dire à l'ikhlas. Et celui qui a des bid'a, il n'a pas respecté la deuxième condition, c'est-à-dire de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens de l'égarement peuvent se diviser en trois catégories. Soit la personne qui a fait du shirk, ça c'est le plus grand malheur. Soit qu'il a fait une bid'a dans la religion, ça c'est un malheur et un grand danger. Ou bien qu'il a les deux ensemble, c'est-à-dire le shirk et la bid'a, wa la iyadu billah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et le cheikh dit فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي هِيَ حَقُّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا أَحَدٌ سِوَاهُ لِغَيْرِهِ كَالدُّعَى وَالْاِسْتِعَانَ فَقَدْ آمَنَ بِالطَّاغُوتِ وَأَشْرَكَ بِاللَّهِ وَكَفَرُ. Donc le cheikh dit, donc celui qui a offert à quiconque autre que Allah une forme quelconque d'adoration qui est son droit exclusif que personne d'autre que lui ne mérite, comme le doua, la demande de l'aide, alors dans ce cas-là, il a cru au tarot et il a associé avec Allah et il a commis du kufr. Hein? Et le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, donc il dit ça, cheikh Al-Fawzan, il dit « وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ وُجُوبُ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَاجْتِنَابِ الشِّرْكِ » Donc ça c'est la contradiction du premier fondement. Et il dit, وَقَوْلُهُ أَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشِرْكُ بِهِ شَيْئًا لَيْسَ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ وَاجِبٌ بِالْعَقْلِ كَمَا تَزْعُمُهُ الْمُعْتَزِلَ وَلَكِنَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَقَّ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ تَفَضُّلًا وَإِحْسَانًا عَلَى الْمُوَحِّدِينَ الْمُخْلِصِينَ الَّذِي لَمْ يَلْتَفِتُوا فِي إِرَادَتِهِمْ وَمُهِمَّاتِهِمْ وَرَغَبَاتِهِمْ وَرَهَبَاتِهِمْ إلى أحد سواه ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده والله أعلم. Donc le cheikh il termine le chapitre en disant que ensuite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Mu'adh, il mentionne le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui d'entre eux qui n'a rien associé avec lui. Et il dit, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il n'y a personne qui a un droit obligatoire sur Allah. Hein? Personne n'a de droit obligatoire sur Allah par la raison. Hein? Comme le prétendent les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils pensent qu'il y a des choses qui peuvent être imposées à Allah. Hein? Et que les hommes ont des droits sur Allah. Et le Cheikh, il explique, il dit non. Personne n'a de droit sur Allah. Il n'y a rien d'obligatoire à Allah, hein, excepté que ce que Allah s'est lui-même rendu obligatoire, ce qu'il s'est obligé lui-même de faire, par grâce et par bonté, hein, par grâce, il veut leur faire une grâce, il veut leur faire de la bonté envers les serviteurs pieux qui sont respectueux du tawhid, alors, hein, il leur fait cette grâce-là de ne pas les châtier pour avoir respecté ces conditions. Et il dit, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas tournés vers autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans leur volonté, dans leurs actions, dans leurs désirs, dans leurs craintes. Ils n'ont adoré que Allah seul et ils ne se sont pas rapprochés de personne d'autre que lui par leurs paroles et par leurs actions parmi les différents actes d'obéissance qu'ils ont fait. Ils n'ont adoré que Allah seul, donc Allah les récompense et donc Allah par sa grâce et par sa faveur il décide de les récompenser en ne les châtiant pas par rapport à ça. Donc ça c'est l'exemple ici de ce que le cheikh il a expliqué. Cheikh Al-Fawzan, il fait un petit commentaire où tu voulais dire quelque chose. Eux, les Mu'tazila, ils pensent que Allah, il y a des choses qui peuvent être obligatoires pour lui, par la raison. C'est-à-dire, par rapport à la logique, leur logique à eux. Donc, ils disent, Allah, c'est obligatoire pour lui de faire telle chose, ou de faire telle chose. Hein? Puis, ils veulent imposer des choses à Allah, selon leur logique à eux. Et le cheikh explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les serviteurs ont un droit sur Allah, ce droit qu'ils ont sur Allah, c'est uniquement parce que Allah se l'est imposé à lui-même, non pas parce que les êtres humains peuvent imposer ou obliger à Allah de faire quelque chose. C'est parce que je pense que tu n'étais pas là quand on a lu ce hadith là. Le hadith il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Dodan avec Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Puis le prophète lui a posé la question: ya Mu'adh, est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Et il a dit: Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux. Alors il a dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul sans rien associer avec lui. Puis le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne les châtie pas lorsqu'ils n'ont rien associé avec lui. Tu comprends? C'est le hadith. Bon, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan maintenant, puis on va. Le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, أي هو الذي أوجب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى ولم يجبه عليه أحد وجزاؤه للعباد على طاعتهم وإدخالهم الجنة هذا تفضل منه سبحانه وتعالى وإنما الطاعات والعبادات سبب فقط وليست ثمنا للجنة لأن الجنة لا تثمن أبدا. أوكي لشيخ الدي Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui s'est obligé à lui-même, qui a rendu obligatoire à sa propre personne de ne pas les châtier s'ils respectent, hein, ce droit d'Allah. Il dit que les actes d'obéissance, hein, oui c'est ça, il dit, il n'y a personne qui lui a obligé cela, Hein? Donc la récompense que Allah va donner aux serviteurs pour leurs actes d'obéissance et de les faire rentrer au paradis, il dit ça c'est seulement une grâce de sa part. Et il dit que les actes d'obéissance et les actes d'adoration sont uniquement une cause pour qu'on puisse rentrer au paradis. Ce n'est pas le prix du paradis. D'accord ? Il dit pourquoi ? Parce que le paradis n'a pas de prix. C'est-à-dire que même si le paradis avait un prix, de toute façon, on ne pourrait même pas le payer. Peu importe les actes qu'on fait. Parce que ce serait trop élevé. C'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne qui va rentrer au paradis excepté par la grâce d'Allah. Hein, par la grâce d'Allah. Pas par ses actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, puis je pense que c'est Aïcha radiallahu anha qui lui a dit, même toi, au messager d'Allah, ou bien un compagnon qui lui a posé la question, même toi, au messager d'Allah, tu ne rentres pas au paradis par tes actions, uniquement par la grâce d'Allah. Il a dit, oui, oui, même moi. Hein? Et il y a l'exemple dans un autre hadith, je pense, quand un homme, il a dit, moi je rentre au paradis, oh Allah, par mes actions. Hein? Pas par la grâce. Et Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit, prends un œil, prends un de tes yeux, mets-le sur la balance. Hein? Et je pense qu'en tout cas, ça voulait dire qu'à la fin, je ne me rappelle plus les détails, ça fait longtemps, mais ça disait que, de toute façon, il a dit, cet œil-là, il y en est juste, cet œil-là était plus lourd dans la balance que toutes les œuvres, les bonnes œuvres qu'il avait faites. C'est-à-dire, un seul de ses yeux qu'il a mis dans la balance à côté de ses œuvres, eh bien, l'œil qu'il a mis dans la balance était plus lourd que toutes les bonnes actions qu'il avait pu faire dans cette vie. C'est-à-dire que seulement la grâce d'Allah d'avoir donné la vue à cet homme-là, c'était plus lourd que toutes les bonnes œuvres qu'il a pu faire comme bonne action pour Allah. Alors, l'homme, il a répondu, il a dit, « Oh Allah, laisse-moi rentrer dans ton paradis par ta grâce. » Parce qu'il a compris que si c'était par rapport au prix, hein, et par rapport à la valeur de ses œuvres, ça n'équivaut pas ce que vaut l'entrée du paradis. Hein. C'est pour ça que c'est pas une question de valeur ou de prix. La quantité de tes œuvres, c'est pas ça qui garantit que tu rentres au paradis. C'est uniquement par la grâce d'Allah que tu rentres au paradis, et les actions ne sont qu'une cause. Hein? C'est une cause, mais c'est pas le prix. Et le cheikh dit ensuite, wa aydan a'malu al-ibad law husibu biha 'ala an-ni'am ma qabalat ni'am Allah, walakinahu yukrimuhum wa yudkhiluhum al-janna tafaddulan minhu wa ihsanan. Il dit, c'est ça que j'expliquais, il dit également les œuvres des serviteurs, si on devait les compter et les calculer par rapport aux grâces que Allah nous a faites, eh bien, elles pourraient même pas contrepeser le poids des grâces que Allah nous a données. Mais Allah, il nous fait la générosité et l'honneur de nous faire rentrer au paradis par sa grâce et par sa bonté. D'accord ? Donc c'est vrai. Toutes les grâces que Allah nous a données, on n'a rien payé pour. Hein? Et puis par la suite, on fait des bonnes œuvres, puis on demande à Allah ou on exigerait à Allah de nous faire rentrer au paradis par nos œuvres, alors que s'il nous faisait payer pour toutes les grâces qu'il nous a données, on n'aurait rien pour lui donner. On n'aurait pas suffisamment. Hein? Et sans compter nos péchés, hein, sans compter les péchés que si on... Allah al-musta'an, ya Rabb, la ilaha illallah. Donc, le cheikh, il explique ça, puis ensuite il dit, وَلِهَذَا يَقُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة مع أنه أكمل الخلق عبادة لله سبحانه وتعالى. C'est ça le hadith que je mentionnais. Il est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Il a dit, personne, ses actions, il y a personne que ses actions peuvent le faire rentrer au paradis. Il y a personne que ses actions peuvent le faire rentrer au paradis. Ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah? Il a dit, même moi, excepté que Allah me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Excepté si Allah me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Malgré qu'il est la créature la plus complète dans son adoration. Celle qui a les adorations les plus parfaites. Et il dit, wa amma qawluhu ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, falba'u huna sababiyya. Ay bi sababi ma kuntum ta'malun, wa laysat bi ba'al 'iwad. Kama taqulu ishtaraytu al-qalam bi riyal. فهذه باء العوضية أما التي في الآية فهي باء السببية أي بسبب ما كنتم تعملون. Donc le cheikh il explique que, comme par exemple il y a un verset dans le Coran qui dit, il y a d'autres versets aussi qui mentionnent ça, le verset 32 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, entrez au paradis pour ce que, yani entrez au paradis pour ce que vous faites, ou bien à cause de ce que vous faites plutôt. Parce que, pourquoi? Parce que le ba, bima, il explique le cheikh que c'est le ba qui indique la cause, mais non pas la contrepartie. C'est-à-dire, c'est pas, le ba ici, c'est pas par rapport à la contrepartie de ce que vaut nos actions, mais plutôt à cause de nos actions. C'est pas comme quand tu dis par exemple, j'ai acheté ce stylo, pour combien de dollars, hein? C'est-à-dire, j'ai reçu ce stylo pour tel nombre de dollars. Donc, à cause de, par exemple, parce que j'ai donné telle valeur, on m'a donné ça en échange. Ici, c'est pas de ça qu'il est question. Plutôt, c'est à cause, des bonnes œuvres que Allah nous récompense en nous faisant la grâce de nous faire rentrer au paradis. Donc, c'est pas le prix. Nos actions ne sont pas le prix de l'entrée au paradis, mais plutôt c'est uniquement une cause pour qu'on puisse entrer au paradis. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et au prochain cours, la semaine prochaine pour le Kitab al-Tawhid, on va commencer le chapitre, un autre chapitre, le deuxième chapitre de Kitab al-Tawhid qui s'intitule Babu فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. C'est-à-dire le mérite du tawhid et ce qu'il efface comme péché. Donc ça c'est un chapitre vraiment intéressant et important. On s'arrête ici inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.